Le premier ministre Park Bong-joo a inspecté le complexe de locomotives électriques Kim Jong-tae. Il s'est informé en détail de l'état de la production du complexe et encouragé les ouvriers du complexe qui opèrent un grand essor dans la production. À la réunion consultative, ont été prises des mesures à prendre pour la construction des locomotives électriques à partir des matières premières et matériaux du pays. Par ailleurs, il a aussi fait le tour du complexe sidérurgique de Fang'e et souligné de rehausser leur dynamisme pour ainsi opérer des innovations dans la production de fer tchoutsé.